Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. En 1926, un événement extraordinaire se produit dans la ville de Mexico. Alors qu'ils sont en train de réparer une partie du palais national, des ouvriers découvrent, enfouis sous la terre, les restes de la grande pyramide de Tenochtitlan. Au sommet de cette pyramide, on trouve une pierre étrange et impressionnante qui représente le soleil. Selon une très ancienne prophétie, le jour où cette pierre ressortira de la terre, le pouvoir des Aztèques sera de retour. Et ça, tu sais ce que ça veut dire. Il est temps pour les Mexicains de renouer avec leurs origines. Dans les années 1920, le Mexique vit un grand moment de son histoire. Le peuple vient de faire la révolution. Les terres, jusqu'à présent exploitées par de riches propriétaires, sont redistribuées aux paysans. Les Mexicains plongent dans leur passé. Ils retrouvent enfin leurs racines. C'est excitant. C'est fou. C'est enivrant. Dans les rues de Mexico, des paysans indiens venus de tout le pays et des artistes se pressent. Parmi eux, il y a Frida Kahlo. Frida a un visage et une allure qu'on n'oublie pas. Le regard noir, les sourcils fournis. Elle est fière de ses origines et elle le montre. Ses magnifiques cheveux noirs, elle les tresse en s'inspirant des sculptures aztèques. Son corps, elle habille des magnifiques robes traditionnelles, Tijuana. Le visage orné de fleurs, le buste, les jambes parées de broderies et de somptueuses couleurs, on dirait qu'elle sort tout droit d'une peinture. Rien d'étonnant à cela. Frida est une immense artiste. Toute sa vie, elle a peint avec rage, avec fougue, avec passion. Audacieuse, courageuse et tenace, voici l'incroyable aventure d'une femme peintre qui voulait être libre et qui voulait vivre, vivre de toutes ses forces. Voici l'Odyssée de Frida Kahlo. Au sud-ouest de la ville de Mexico, dans le quartier de Coyoacán, il y a une maison, toute bleue. Les fenêtres sont immenses et laissent passer la lumière. C'est là que grandit Frida Kahlo. Dans le jardin de la cour intérieure, elle regarde les cactus, les bougainvilliers mauves et les lianes de l'immense yam grimper le long des murs. Elle ouvre grand les yeux, le soleil tape fort. Jamais elle ne craint de le regarder en face. Frida a 6 ans. Elle court, elle bondit, elle remue. Un jour, elle ressent une horrible douleur en haut de la jambe droite. On dirait un feu qui la grignote à l'intérieur. Il descend jusque dans son pied. Le médecin est formel. C'est très grave. La moelle épinière est touchée. La petite pourrait rester paralysée ou peut-être même mourir. 9 mois durant, Frida reste clouée au lit. Elle lutte contre la maladie, elle s'accroche à la vie, elle guérit. Tirée d'affaire, son corps est marqué pour toujours. Frida est vivante, mais elle boite. Les enfants de son quartier ne sont pas tendres avec elle. Ils se moquent, ils la chahutent, ils crient. Frida apprend la solitude. Elle trouve refuge dans son imagination. Dans sa chambre, chaque soir, les yeux ouverts, elle rêve. Sur la buée de la fenêtre, elle dessine avec son doigt une petite porte. Elle l'ouvre, puis... elle s'échappe! Adieu, la compagnie. Frida s'envole et personne ne la rattrapera. Frida descend jusqu'au centre de la terre. Là, elle retrouve son ami imaginaire, son double. L'autre Frida est si gaie, elle rit, elle est souple et elle danse. Elle danse comme une plume, comme si elle ne pesait absolument plus rien. La petite a 12, 13, 15 ans. Le bruit de la ville surgit dans ses deux oreilles. Tous les matins, elle prend le bus puis le tramway pour se rendre au lycée dans le centre de Mexico. Le 17 septembre 1925, il pleut sur la ville. Le soleil a disparu derrière d'épais nuages. L'air ressemble à certains fromages. Il est... tout frais. Frida court pour ne pas louper le bus. Les trottoirs sont trempés. Elle monte. L'autocar roule vite. Il attaque les virages à droite, à gauche. Il bondit dans les rues. Soudain, il percute un tramway. Le choc est terrible. Frida est projetée dans les airs. Ses vêtements se déchirent. Au même moment, le sac de paillettes qu'un passager tenait entre ses jambes s'envole. Quelques secondes plus tard, elle frappe le sol, nue, le corps entièrement recouvert d'or. Crient les passagers, paniqués. Une immense barre de fer la traverse, de part en part. Frida pousse un hurlement terrible. Le monde est devenu sa douleur. Transportée à l'hôpital, brisée en mille morceaux, elle est opérée d'urgence. Les médecins n'ont jamais vu ça. Personne ne pense qu'elle pourra survivre. Frida, pourtant, se réveille. Son corps, déjà abîmé, est désormais un champ de ruines. Incapable de bouger, elle passe son temps au lit. Elle a 18 ans. Pour la seconde fois, déjà, Frida a failli perdre la vie. Les Mexicains ont un rapport différent à la mort. Ils s'en amusent. Ils la célèbrent en musique, en danse et en blagues. Est-ce dans cette tradition qu'elle puise son incroyable vitalité ? Je l'ignore. Toujours est-il que Frida ne sombre pas. Elle tient bon. Pourquoi avoir besoin de pieds lorsqu'on peut avoir des ailes ? Frida se met à peindre. Seule. Personne ne lui apprend. Elle peint avec avidité, énergie. Un matin, elle annonce à sa mère : Je ne suis pas morte et en plus, j'ai une raison de vivre. Cette raison... C'est la peinture. Sur le plafond au-dessus de son lit, ses parents font installer un grand miroir. Frida observe son visage, ses bras blessés, ses jambes cassées. Elle plonge le pinceau dans le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Elle répète. Pourquoi avoir besoin de pieds lorsqu'on peut avoir des ailes ? Allongée, prisonnière, Frida se peint. Ces longs mois de souffrance ont forgé son caractère. Elle a assez d'appétit pour dévorer le monde. Frida se bat, se relève. Elle porte un corset et marche avec des béquilles. Chaque pas la fait atrocement souffrir. Elle se force à sortir. Il y a quelques années, les Mexicains ont fait tomber la dictature. Après la révolution, le pays tout entier est en train de se réinventer. Dans les rues de Mexico, ça bouillonne. Partout, la vie est là, qui éclate ! Frida se rapproche d'un mouvement politique qui s'appelle le communisme. Elle aime bien leurs idées. Comme eux, elle veut un monde plus juste et égalitaire. Frida brûle. C'est une tempête. Oh ! Ou non mieux. Un démon. Le démon doit gagner sa vie. La peinture, c'est tout ce qui lui reste alors. Tiens, pourquoi ne pas en faire son métier ? Oui, mais... Comment savoir si son travail vaut quelque chose ? Frida admire un artiste très connu. Il ne peint pas sur des toiles, mais sur les murs de grands bâtiments publics. Il réalise d'immenses fresques pour qu'elles profitent à tous les Mexicains. C'est un artiste révolutionnaire. Son nom, Diego Rivera. En 1928, Diego peint au ministère de l'Éducation publique. D'un pas décidé, c'est là que se dirige Frida. Elle arrive et le trouve. Oh, en haut d'un immense échafaudage. Elle lève les yeux. Pétard, 1m80, 150 kg, on dirait une montagne. Frida est-elle du genre à se laisser impressionner? Oh non, sûrement pas. Diego, descendez de là, s'il vous plaît. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Lance-t-elle, la voix très affirmée. Sidérée, la montagne s'exécute. Comme vous, je peins. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon travail. Attention, je ne suis pas venue pour chercher des compliments. Je veux un avis sérieux. Diego accepte. Le lendemain, il se rend à la maison bleue. Il laisse vagabonder son regard de peinture en peinture. Quelque chose frémit à l'intérieur de lui. Oh bah, c'est sûrement le burrito de midi, hein, qui ne passe pas très bien. Et non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Mais quoi? Soudain, ça lui saute au visage. Ça, perlipouette-pouette, ça vient d'étoiles! La jeune fille qui se tient là devant lui et qui le regarde avec des yeux de feu est une véritable artiste. Comme lui, elle brûle d'un feu intérieur et mystérieux. Comme lui, elle a besoin de peindre comme de l'air pour respirer. Diego regarde Frida. Frida regarde Diego. Le monde autour d'eux disparaît. Il croit entendre des éclairs. La pièce tourne. Elle est remplie d'une force incroyable. Cette force est rouge. C'est la couleur de leur amour. Après ça, Frida et Diego se revoient tous les jours. Elle a 20 ans, il en a 41. Lorsqu'ils marchent côte à côte, on dirait une colombe et un éléphant. Ils décident de se marier. Mari et femme, Frida et Diego se cherchent et s'affrontent. Par le regard ou bien dans les mots. Un jour qu'il lui lance « Frida, tu sais que tu as un petit peu une tête de chien ?» Elle lui répond du tac au tac. « Eh ouais, mon petit pote, mais c'est toujours mieux qu'avoir une tête de crapaud, tu crois pas ?» Entre eux, c'est sûr, c'est l'amour. Bah, l'amour vache, quoi. Le couple voyage beaucoup, principalement aux États-Unis, où Diego est souvent invité pour peindre des fresques. Il fréquente de grands intellectuels et des révolutionnaires du monde entier. Frida veut incarner la vie, les couleurs. Elle change son apparence. Elle porte désormais les longues robes à volants des indiennes Tehuana et se coiffe avec de magnifiques fleurs de la région du Yucatan. Ses apparitions sont spectaculaires. Où qu'elle se rende, on l'admire. Frida subjugue. La jeune femme, hélas, n'en a pas fini avec la douleur. Les tempêtes se succèdent. Avec Diego, voilà, il y a de l'eau dans le gaz. Entre nous, bouh, le bonhomme est insupportable. C'est un ogre. Tout ce qu'il veut, il le prend. Bam! Ils se séparent, ils divorcent, et puis, ils se remarient. Depuis des années, une autre douleur, plus terrible encore, creuse comme un tunnel et envahit tout son être. Frida ne peut pas avoir d'enfant. Au plus mal, de nouveau, c'est la peinture qui la sauve. Frida peint et dessine sans arrêt. Son art change. Sur ses toiles, elle représente ses blessures et sa colonne vertébrale, brisée. Elle entoure ses personnages d'objets inquiétants, de grandes feuilles, de fleurs et d'animaux étonnants. Frida commence à être reconnue. Sa santé est fragile, mais elle tient bon. Jusqu'au moment où elle ne peut plus. En 1944, Frida est opérée de la colonne vertébrale. Puis, sa jambe droite s'infecte. Pour lui sauver la vie, on doit la couper. La peintre marche désormais avec une jambe de bois. Bon, c'est pas terrible, mais au moins, ça fait pirate. À Mexico, en 1953, une grande exposition est organisée en son honneur. Frida, trop faible pour marcher, se fait transporter dans son lit. Ma parole, elle est incroyable, elle ne lâche jamais rien. Un an plus tard, elle tire pourtant sa révérence dans la maison bleue de Coyoacán. Sur sa dernière peinture, quelques mois avant sa mort,